BK, OKZ, Calibert, motherfucker. Je reste entier, j'évite les incendies. Bien loti, j'ai pas le ressenti du mec qui se bat pour un centime. On n'obtient rien sans dire, enfin, pas contre les stars et foulent leur haine sur un noir sans titre. Voilà ce qui se passe dans cette ville de merde. J'aimerais virer de bord, mais c'est barbelé, cache cette vue de mer. Et les cendres tombent, et l'espoir s'éloigne. La noirceur reprend place, le ciel gronde. Que des regards sombres, chaque sourire s'efface. Manipulé, ouais, le citoyen se joue de ses farces. Relevez la tête, on y pense tous impatients d'obtenir cette chance piégée sur ce banc de touche dépassé. Chaque jour dans ce monde laissé pour mort, donc on survit chaque minute. L'amour des notes comme support, évidemment qu'on vrille, traité comme de simples pions des animaux. Mais nous dirons que l'homme descend du sage. J'aimerais quitter la zone et faire le tour du monde. Faire le tour du monde, le sac rempli de sommes. Car ici je ne trouve plus le sommeil. J'aimerais quitter la zone, quitter la zone et faire le tour du monde. Faire le tour du monde, le sac rempli de sommes. Rempli de sommes. Car ici je ne trouve plus le sommeil. Je trouve plus le sommeil. Ici c'est la merde dans le quartier, la pauvreté fait rage, les faits divers s'enchaînent et les sourires se font rares. Ça ira avec le temps, c'est ce qu'on nous a promis. Les pieds dans la zermie et la mérante en bas des bâtiments. Regarde autour de nous, tout est gris, tout est sombre. Même le sourire de ton voisin est triste. On traîne la nuit dans les rues de la ville. On t'isolitre, on n'a qu'une vie, faut la vivre avant que ça parte en vrille. Des humains dorment dehors et les déchets s'entassent pourtant. Des solutions, y en a des centaines, mais sans thune, tu vas nulle part dans ce monde. Quitter la zone pour avoir notre part du gâteau, c'est l'objectif, trouver la paix dans ce monde en feu. Si le bonheur est une fleur, j'aimerais que ses pétales m'effleurent. La dignité retient mes pleurs, mais sans ma feuille il pleut. Que la joie embrasse la terre si Dieu veut. J'aimerais quitter la zone et faire le tour du monde. Faire le tour du monde, le sac rempli de sommes. Car ici je ne trouve plus le sommeil. J'aimerais quitter la zone, quitter la zone et faire le tour du monde. Faire le tour du monde, le sac rempli de sommes. Rempli de sommes. Car ici je ne trouve plus le sommeil. Je trouve plus le sommeil.